cancar couille nos bides. Les attaques biliaires en cette période galère. On les attaque acide, d'une batterie d'amatride. L'issue de ce calvaire, ce sont les pommes de terre. La fourmi papetteuse, dans ma cuisine miteuse, ne me laisse plus le choix de préparer comme plat. Dans mon assiette chômeuse, des tubercules huileuses, dans ta cul de croix, et cet état de droit. Pays de féculents, poitrine fumée de gland, les bonnes poires des terres pour pas de camembert. Pays de féculents, les bonnes poires des terres. Omnus nos dirigeants, s'il faut qu'un verre va blanc. Et nous dans vos assiettes, qu'est-ce qu'on a à semer? Une fricassée de rate, sans beurre, pas de patate. Rien de bien alléchant, c'est vraiment des méchants. Rien n'empêche, c'est drôle, de racler nos casseroles, de piller nos jardins quand les gendarmes ont faim. La moindre de leurs commandes, on la paye de notre viande. Comme en 14, un coup de BF15. Pays de féculents, ils nous prennent pour les glands et nous privent de les terres, on ferme nos camemberts. Pays de féculents, politiques en robe des chambres, on se laissera pas faire et nique ta motte de père. Pays de féculents, nous privent de les terres. Pays de féculents.